Hein? J'ai pas envie de te raconter ma vie. M'attendez pas, laissez-moi marcher dans ma ville. Me demander, c'est pas mon avis, j'en ai rien à foutre, je resterai à bord du navire. Je m'attends au pire, je vais rien dire. Et quand j'ai besoin de vider ma peine, j'appelle le manager. Appelle Blasta, calme-moi des heures. Je crame une clope dans un Clio 2. Au centre de la veine, je peux lui pousser un kilo 2. Je reprendrai jamais ton P2. Je fume pas derrière une salope, tu te regardes pas dans les yeux. Ouais, ouais, j'ai mangé un d'inspire. Je nique tout depuis mes 15 piges. On dépose tout, repart au casse-pied. Parano, je regarde le ciel. Parano, je réclame l'oseille. Parano, j'allume un de ces fils de pute qui nous crachait dessus la veille. Parano, je monte sur ce coup. Parano, je ramasse les douilles. Parano, mon frère s'inquiète, il stresse, sonne à l'oreille à Théo. Bah ouais, je suis parano. Je me fais fumer par un autre. Pourquoi je me mets des gens à dos? Oh, non, non, non, non. Oh, je suis parano. Je suis parano, parano. Bah ouais, je suis parano. Je me fais fumer par un autre. Pourquoi je me mets des gens à dos? Oh, non, non, non, non. Oh, je suis parano. Et la putain de ta mère. Moi je peux tout niquer cette année. On t'arrache ta mère pour un putain de salaire. J'ai pas eu besoin de ta support pour m'installer. On t'attend pas, on préfère se tailler. Tu montes dans l'ascenseur bloqué dans l'escalier. T'es respecté à ce qui paraît. C'est nous les rescapés, les autres ont disparu. Tu vas faire fumer au bout de ta rue. Ta langue est plus dangereuse que ta vue. Une cagoule indée, histoire de rinter. Une rafale inconnue, allez hop, disparu. Autant tu disparais. Et c'est la loi de la rue. Tu connais tes droits, si tu poses pas d'avertissement, on te voit plus. Je suis parano, parano. Bah ouais, je suis parano. Je me fais fumer par un autre. Pourtant, je me mets des gens à dos. Oh, non, non, non, non. Oh, oh, je suis parano. Troisième couplet, je suis dans le bolide. Ne fais pas la chmeta, mais vous reste poli. Je suis pas dans ma folie. S'il faut les rafaler, premier qui t'envoie sur un lit. Rien de t'aspect, j'ai rien à perdre. Tu me verras pas au sol, crie à l'aide. Je nique tout et je retourne au bled. Tu me devais délover, je l'ai fait dans la semaine. Je préfère que tu parles aux autres. J'envisage de finir ma vie sur un yacht. T'es pas des nôtres. Nique ta mère et puis va la faire à d'autres. Ouais, qui est là pour me relever? C'est le début de la fin, on se peut à l'arrivée. Parano, je regarde le ciel. Parano, je réclame l'oseille. Parano, j'allume un de ces fils de pute qui nous crachait dessus la veille. Parano, je monte sur ce coup. Parano, je ramasse les douilles. Parano, mon frère s'inquiète, stress sonne à l'oreille à Théo. Je suis parano, parano. Ouais, je suis parano. Je me fais fumer par un autre. Pourtant, je me mets des gens à dos.